Est-ce que pour toi c'est une base importante, voire même presque obligatoire, partir sur des faits réels, sur des gens qui ont existé ou des choses que tu as vécues? Moi, je crois que mon cinéma parle beaucoup de moi. Je pourrais pas faire des films si j'étais pas interpellée par mon sujet. Donc, je suis pas obligée de faire des films qui sont nécessairement documentaires. Comme tu vois, je suis en train de travailler sur un film qui s'appelle Ta mère est une voleuse, qui est un film de fiction sur l'aliénation parentale, parce que peut-être aurais-je vécu quelque chose dans cette vague-là. Donc, non. Pas obligé d'être documentaire, mais ça doit être personnel parce que moi je me projette beaucoup beaucoup dans mes films. Comment tu choisis les personnes sur lesquelles tu travailles? Pour les portraits d'artistes, Ouais. ce sont tous des hommes. J'imagine que ce sont tous un peu des coups de foudre artistiques. Je pense qu'il faut vraiment être profondément amoureuse de ces personnes-là parce que le cinéma d'animation, c'est extrêmement laborieux. Donc, si j'avais pas un appel extrêmement fort, je pourrais pas faire les portraits. Puis aussi, je crois que la raison pour laquelle j'ai fait des portraits uniquement sur des hommes, c'est que malheureusement, l'historiographie a été rédigée majoritairement par les hommes. Donc, la documentation est presque exclusivement masculine. Donc, actuellement, il n'y a pas de femmes artistes pour lesquelles j'ai un grand élan qui serait documenté d'une manière assez probante pour faire un film d'animation sur elles. C'est compliqué aussi d'avoir tellement de documentation que de se dire comment je vais placer toute une vie, ou en tout cas beaucoup de choses, en 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. Mais c'est sûr qu'il faut élaguer beaucoup, mais il faut prendre un point de vue sur la personne parce que moi, je suis pas intéressée à faire une biographie qu'on pourrait avoir sur un livre. On vit actuellement à l'ère de Google. Les gens peuvent aller sur Internet taper Claude Dutrard, Norma McLaren, Oscar Peterson. Donc, c'est sûr que moi, avec ces paramètres-là, je veux créer quelque chose qui est mon point de vue personnel sur l'auteur. Puis, comme je te disais, étant donné que je me projette beaucoup dans mes films, le film d'Oscar Peterson présentement, c'est beaucoup sur la séparation, le père qui part, parce que moi, dans ma vie personnelle, pendant que je faisais le film, je me suis séparée, le père de mes enfants est parti. Donc, c'est sûr que c'est allé vers ce chemin-là. Il y a un côté, je viens juste de le découvrir, c'est pas évident, mais il y a un côté très sentimental dans le film qu'il n'y a pas dans McLaren ou dans Jutra. Oui, tout à fait. Ben, j'imagine que ça vient vraiment. Mais je pense que Oscar Peterson, c'est un artiste qui était vraiment super sensible. Puis moi, la musique, j'aime beaucoup la musique. C'est très important dans ma vie. Donc, je pense que ça m'a touchée beaucoup. Je pense que c'est peut-être l'artiste qui était le plus sentimental ou qui habitait un espace personnel ou qui se transposait beaucoup dans son travail parce que un artiste de jazz, c'est un compositeur instantané. C'est un peu un interprète, mais ça part vraiment de lui, là. Il est l'instrument lui aussi. Donc, je pense qu'il est plus généreux dans sa sensibilité que McLaren et Jutra. Est-ce qu'il y a à la fois un regard de l'artiste, en effet, des très belles phrases comme ça, cette idée, c'est pas seulement un interprète, c'est de compositeur, qui toi te font penser à ton travail aussi en tant que réalisatrice, animatrice? En rapport avec Oscar Peterson? Ouais, avec des phrases qu'il peut dire, ou avec le fait même d'avoir du succès, de se balader dans le monde entier, d'avoir quand même des enfants, de les quitter, de. Ben, moi, je suis une mère, j'ai trois enfants, puis je suis vraiment contente d'avoir ça dans ma vie parce que, honnêtement, je pense que si j'avais été une femme célibataire, ça m'aurait peut-être un peu monté à la tête, tout le succès que j'ai eu. Mais avoir des enfants, c'est fondamentalement la chose, moi, qui est le plus importante, qui me rend le plus heureuse, puis qui me ramène vraiment terre à terre. Donc, de voir un homme qui fait ce choix-là, puis c'est vraiment la dichotomie entre un homme qui travaille dans le milieu des communications, qui est connu de tout le monde, qui est méconnu de ses proches, qui adulait le grand public, mais qui se retrouve seul. Donc, c'est des choix qu'il a fait. Puis les entrevues dans ce film-là, c'est beaucoup à la fin de sa vie. Donc, il fallait qu'il soit au crépuscule de son existence pour avoir cette réflexion-là sur ce qu'il avait vécu. Puis je pense que c'est un homme qui a beaucoup, beaucoup de regrets sur la manière qu'il a vécu sa vie, parce qu'il a fait des choix, il a choisi sa musique avec les conséquences qui viennent avec. Moi, j'ai honte, j'aime bien le jazz. Je connais Oscar Peterson et je savais pas qu'il venait de Montréal. OK. J'étais persuadé qu'il était comme beaucoup américain. Est-ce que ça aussi c'est intéressant? Tu disais, je veux montrer Jutra parce que finalement je me rends compte que peu de gens le connaissent. Ou tu disais, McLaren, j'étais surpris qu'il y ait plein de jeunes qui connaissent pas forcément. Et d'un seul coup, et même ce côté qu'on connaît pas forcément du Oscar Peterson, famille, divorcée, etc. Ça, c'était important de montrer Mais une autre oui. facette. Mais oui, parce que sinon, sinon, il n'y a aucune raison de faire un film d'animation documentaire sur la personne si tu ne fais que ressortir de l'information qui est déjà connue. L'animation, ça permet d'ajouter une couche narrative additionnelle au documentaire. Puis moi, c'est vraiment ça que je voulais faire avec ce film-là. Mais tu vois, Oscar Peterson, des portraits que j'ai faits dans ma vie, c'est sûrement le personnage qui est le plus connu, le plus international. Donc, puis je pense que la musique, ça résonne beaucoup avec les gens. Je pense que la thématique aussi, le père de famille, le travail, c'est des questionnements qui sont encore pertinents aujourd'hui en 2015. Donc, je pense que ça va résonner beaucoup le film, surtout avec le personnage Oscar Peterson qui le traîne. Puis, j'ai envoyé une copie du film à Kelly Peterson, qui est la femme d'Oscar Peterson, qui m'a donné la permission de faire un film sur lui. Puis, elle a beaucoup, beaucoup aimé le film. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'elle m'a dit que Oscar Peterson aurait adoré ce film-là. Donc, c'est comme la plus belle récompense, sérieusement, que je pouvais avoir en finissant ce film-là. Comment on réfléchit techniquement? C'est une obligation de mettre des images réelles, de mettre des images de la personne dans les trois films, là, McLaren, Jutra et maintenant Oscar Peterson. Il y a toujours la représentation, il n'y a pas que de l'animation. C'est vraiment très important pour toi, ce mélange des deux. Oui, parce que je pense que si on voyait pas les personnes en vrai, on n'aurait pas le même attachement aux personnages. Dans la production de Oscar Peterson, à un moment donné, j'avais beaucoup de séquences où Oscar Peterson était animé, puis finalement, ça tenait pas la route du tout. Il y avait aucune raison de le dénaturer là, visuellement. Il était plus fort dans les séquences qui étaient faites de lui. Donc oui, je pense que ça rapproche les gens qui voient le film avec la personne qui sont en train de découvrir. Je pense que le rapport est plus fort avec une personne en prise de vue réelle qu'en dessin. On a l'impression que tu prends un jazz, il y a beaucoup d'improvisation évidemment dans le jazz. En animation, il y en a beaucoup moins. Est-ce que tu arrives quand même à garder une volonté d'improvisation, en tout cas de jeu avec les images? Tu te laisses beaucoup de liberté comme ça? Ah oui, parce que il y a quelques mois, j'ai présenté le film aux gens ici qui travaillent à l'ONF. On fait toujours comme un ballon d'essai. Puis c'est vraiment chouette parce que j'avais beaucoup trop d'idées. Alors, c'était de vraiment élaguer ce qui avait été fait. Non, mais je suis chanceuse parce que moi, je travaille sans storyboard. Mon coproducteur à l'ONF, Marc Bertrand, ne me demande pas de faire le storyboard. Donc, je peux vraiment aller au feeling. Puis, je pense que c'est moins restrictif de travailler de cette façon-là que de travailler en disant « je vais faire A, B, C, D » parce qu'un film, c'est vraiment organique. Tu le penses, tu le crées, tu fais le montage. Donc, si tu te mets dans des paramètres d'encerclement, tu ne vas pas aller au-delà de ce que ton film pourrait être. Donc, moi, j'aime beaucoup avoir la liberté créative. Puis c'est pour ça aussi que je produis mes films. Je veux faire vraiment du cinéma d'auteur parce que je vois le cinéma d'animation vraiment comme un art puis pas comme une activité commerciale. C'est pour ça que la création, en effet, ton propre studio, ouais. Production, oui. C'était important. Oui, ouais. Ouais, ouais. Puis je l'ai encore, mon studio. Là, tu vois, on produit un film. Je viens d'avoir de l'argent pour développer un nouveau projet sur Jean-Claude Lauzon. Donc, ça roule très bien. Sauf que moi, tu vois, j'ai commencé mon doctorat là, en septembre en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal. Puis j'ai fait un projet de recherche sur les conditions de création des animatrices canadiennes. Donc, j'aime ça faire des films, mais j'ai 37 ans. Je veux aussi redonner un peu à la communauté d'animation parce que j'ai quand même une expérience qui est assez particulière au niveau de la production. J'ai fait beaucoup de films. Donc, c'est ça. J'aime beaucoup les deux, mais moi, j'aime ça être stimulée intellectuellement. Donc, c'est pour ça que je fais ça aussi en même temps que mes projets de films. Donc, ouais. L'idée de rencontre est importante. Il y a un nom qui revient et je ne savais pas du tout que tu étais lié à ce film-là. C'est Cara Blake qui a fait un film d'Alien Mode sur Delia Derbyshire où tu fais de l'animation. Non, mais tu produis surtout. J'ai produit le film, puis c'est Brigitte Archambault qui a travaillé sur mes autres films, qui avait fait les séquences d'aquarelle. Puis c'est étrange que tu me parles de Cara, parce qu'en fin de semaine, j'ai mis sur Facebook que j'étais en train de faire un travail sur les conditions qui ont marginalisé le travail le travail de Lotte Renegar. Puis quelqu'un me dit, j'aimerais ça faire un film sur elle. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Donc, c'est ça. Mais Cara, c'est une artiste vraiment exceptionnelle. Puis Delian Mode, c'est un projet qui a très bien été, qui s'est bien financé. C'est un bon rapport de travail. Puis c'est un film qui a vraiment bien marché là, dans le festival, dans le circuit des festivals. Donc, Tu la connaissais, Delia Derbyshire? Enfin, dans cette. On connaît évidemment Doctor Who, enfin, on connaît des petites ouais. choses, mais. Non, ça vient de Cara. C'est vraiment Cara qui voulait faire ce film-là, qui est arrivée, qui m'a demandé de l'aider à faire la production, les budgets, les demandes de subventions, puis contenu créatif, tout ça. Mais c'est vraiment Cara qui a porté plus le projet à bout de bras parce qu'elle l'a réalisé, elle a monté, elle a fait des entrevues, puis elle a coproduit avec moi. Donc, ça vient plus d'elle à ce moment-là. C'est important l'idée de travailler donc, sur les femmes, tu disais, sur, à Montréal et au Canada notamment. Montréal, c'est vraiment quelque chose d'important, cette idée de. D'égalité en tout cas de réflexion sur tout le monde, quoi, aussi bien les femmes, les minorités visibles, comme on dit, ce genre de choses. Ou... Ben, pour les femmes, je pense qu'on vit dans une société actuellement qui a été un peu façonnée. On croit à l'égalité des hommes et des femmes, mais c'est complètement faux. On n'a pas l'égalité des hommes et des femmes. Dans le milieu du cinéma d'animation, si on regarde les pionnières, au commencement, c'était beaucoup les femmes d'eux, les assistantes d'eux. Puis même maintenant, tu sais, je veux dire, Montréal, c'est une plaque ou sinon la plaque tournante du cinéma d'animation mondial. Les animatrices qui travaillent à Montréal, qui travaillent au Canada, sont parmi les plus récompensées au monde entier, beaucoup à cause, bon, de l'Office national du film du Canada, mais c'est cette l'anonymat des animatrices, même ici, la marginalisation du cinéma d'animation au sein de la communauté cinématographique. Il y a beaucoup de questions qui me semblent pertinentes. Puis moi, c'est sûr que je m'intéresse au travail des animatrices parce que il y a un an, je me posais des questions sur les autres cinéastes d'animation. Je suis allée sur Internet faire des recherches, puis je me suis rendu compte que c'était extrêmement lacunaire, là. Surtout au niveau des conditions de création, des conditions de production, il n'y a rien. Sinon, la majorité des écrits, ça va réduire le cinéma d'animation à sa dimension technique, les techniques d'animation, les processus de création. Il y a quelques personnes, là, comme Marcel Jean, qui vont écrire des trucs un peu plus sur la ligne, sur le mouvement, des choses comme ça. Puis, au niveau des théoriciens du cinéma d'animation, au niveau universitaire, c'est extrêmement déficient. Donc, c'est tout le questionnement sur la marginalisation du cinéma d'animation dans le cinéma, puis la place de la femme dans le cinéma d'animation, qui, elle, même l'historiographie féministe a marginalisé le cinéma d'animation, là. Donc, c'est ça que je veux comprendre. Puis, ça m'intéresse aussi de voir comment les autres animatrices de ma génération ou la génération avant voit les conditions de création. Puis moi, je suis chanceuse, tu sais, je connais Tora Cove, je connais Janet Perlman, Diane Obomsawin, j'ai vraiment un accès direct avec ces femmes-là, Michel Lemieux, donc je peux faire des entrevues, puis je peux je veux vraiment, moi, la thèse que je vais défendre, c'est que les femmes sont plus intéressées par l'animation comme un art qu'une activité commerciale. Alors je vais tout faire mettre en œuvre pour arriver vers là, mais C'est important ce double, c'est-à-dire travailler sur des portraits d'artistes presque masculins, là tu l'as dit trois. Mm-hmm. Et puis en fait, d'un côté, ton premier film c'était sur la complexité, même plus que ça évidemment, d'un accouchement que tu as eu. Là, d'un seul coup, tu travailles sur les femmes. Ouais. Il y a vraiment, enfin, le... Ben, j'ai deux tangentes, là. J'ai vraiment la tangente de portrait, puis c'est d'artistes masculins connus, puis c'est vraiment cru à dire, c'était peut-être un peu plate, mais c'est plus un gang-pain. Puis j'ai fait beaucoup des films avec des thématiques féminines, féministes, postpartum, sur la dépression de postpartum, passage sur l'accouchement de ma première fille, femelles sur les femmes qui ont des enfants, qui n'aiment pas avoir des enfants. Puis là, je travaille sur « Ta mère est une voleuse », qui est sur l'aliénation parentale. Donc, ben oui, c'est extrêmement important pour moi de faire des films à thématique féminine, parce que j'ai la chance d'être une réalisatrice d'auteur. Je peux faire les films sur les sujets qui m'intéressent. Puis, habituellement, les films que je fais sur les femmes résonnent énormément dans la communauté de femmes, les gens qui viennent me voir. Donc, c'est un travail qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'est sûr que je vais toujours faire des films de femmes parce que ça m'habite. Puis, c'est certainement une forme d'art-thérapie, là, je m'en cache pas, là. J'ai une relation extrêmement étrange avec la maternité, mais j'adore mes enfants, tout ça. Donc, oui, c'est vraiment important. C'est drôle parce que depuis tout à l'heure, tu parles vraiment, tu insistes sur cinéma en tant qu'art. Ouais. Et non pas en tant que commerce, c'est quelque chose qui est vraiment complexe, de, même ici, parce qu'on a l'impression de l'extérieur, on a l'impression que, alors l'ONF prend beaucoup de part évidemment sur l'animation, on a l'impression presque d'avoir un petit peu de chance d'être auteur, on va dire, à l'intérieur de ce cadre-là, et pourtant on sent quand même Mais que c'est quelque chose qui pose question, quoi. Si on regarde à l'international, aux États-Unis, la réalisatrice de Brave, on dit « Oh, c'est une femme, c'est vraiment merveilleux, c'est fantastique. » Mais il ne faut pas oublier que dans le système américain, la réalisatrice, au-dessus d'elle, il y a un executive board qui, lui, est composé presque exclusivement d'hommes. Donc, est-ce que c'est vraiment la réalisatrice dans le système commercial qui a son mot à dire? Moi, je ne crois pas. Cinéma d'auteur, c'est... Moi, je peux analyser au Canada, puis au Québec, on est extrêmement chanceux parce qu'on a le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l'aide du Québec, la SODEC, on a l'ONF pour financer des films d'auteur. Puis moi, le film d'auteur, c'est un film dans lequel il n'y a pas d'encerclement créatif de la part du producteur. Donc, c'est vraiment la vision du cinéaste qui est tenue jusqu'à la fin. Donc, je ne parle pas de cinéma d'animation indépendant parce que si tu travailles avec l'ONF, 100% ONF, tu n'es pas indépendant. Mais tu peux avoir un cinéma d'auteur dans le cinéma qui n'est pas indépendant. Donc, c'est vraiment de... Ben c'est des mots, là. On joue sur les mots, là. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais c'est un vrai combat aujourd'hui quand on a des gens aussi, je ne sais pas, ici, très différents, hein, comme Théodore Huchef, Patrick Bouchard. Enfin, voilà, on sent vraiment cette envie aussi de... Peut-être pas l'indépendant, mais en tout cas, ouais, de réussir à traiter des sujets... C'est la grande chance qu'on a. Ouais. Je veux dire... Patrick Bouchard, le film qu'il fait présentement, moi j'ai énormément de respect pour cet artiste-là parce qu'il se confronte. Il ne va pas refaire le même film qu'il a déjà fait. Puis moi j'aime vraiment ça. Comme Théo, la technique d'encaustique, c'est quelque chose de nouveau aussi pour lui. Donc c'est sûr que c'est un laboratoire d'expérimentation qui est vraiment super. On a la chance de faire ça. Je pense pas qu'on a des artistes qui ont le goût de refaire les mêmes films ou de refaire les mêmes productions. C'est important de se réinventer. Mais si on était dans un paramètre commercial, puis que la finalité de notre travail, c'était de faire des recettes au guichet, on ne pourrait pas expérimenter. C'est important le retour aussi à un moment donné d'un festival, le retour de... Là, on va commencer les semaines d'animation cette semaine, par exemple. T'as été régulièrement à Annecy ou dans d'autres festivals. Mm-hmm. Le fait d'avoir enfin des gens qui parlent aussi de ton film. On parlait récemment avec Michel Lemieux, là, l'idée d'être seul pendant si longtemps, souvent en animation, et d'un seul coup, enfin, de pouvoir libérer son film. Moi, là, vraiment, honnêtement, là, quand j'ai fini un film, c'est une libération, là, et je pourrais plus jamais le revoir de ma vie, puis je serais vraiment heureuse, parce que moi, je trouve ça très prenant, faire des films, je trouve ça, peut-être aussi parce que moi, je travaille beaucoup avec des films, il y a la libération d'archives, visuelles, sonores, la complexité de la représentation du personnage. Quand il est terminé, je suis vraiment contente puis je passe à d'autres choses. J'ai toujours un film en développement, un en production, un en distribution. Comme là, Oscar est terminé, j'ai hâte que les gens le voient, mais je suis beaucoup plus intéressée par mon projet de doctorat, par la production de Ta mère est une voleuse que la réception de Oscar. Puis moi, j'ai quand même fait plusieurs films. Puis la réaction du public, c'est quelque chose sur laquelle tu n'as aucun contrôle. J'essaie de me distancier beaucoup de ça. Je veux pas avoir le... J'ai pas besoin de la validation du public pour savoir que j'ai bien fait mon travail tant que je suis allée au bout de ce que je pouvais faire, que j'ai vraiment bien fini mes images, que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, c'est ça. Mais plus ça ne m'appartient pas, là. Plus qu'une validation, je voulais dire, un film comme Passage, par exemple, ce genre de choses, c'est d'avoir des gens qui disent, ben, tu le dis toi-même, donner la voix aux gens qui sont sans voix, finalement. C'est là où je voulais dire, d'un seul coup, d'avoir quelqu'un qui te... Peut-être sans te dire, oh, c'est bien, mais juste merci. Oui, mais d'avoir fait ce film-là. Tu vois, Passage, là, au début, moi, je suis allée à aucune présentation parce que je n'étais pas capable, j'étais trop proche de mon sujet, puis tout ça. Puis, la première fois que je l'ai vu, c'était à Terre-Neuve, je crois. Puis il y avait une madame qui était assise en arrière de moi dans le cinéma qui pleurait pendant le film. Puis après cette projection-là, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir, puis je me suis dit, ah, je suis contente. Mais c'est certain que faire ce film-là, tu sais, c'est comme si je raconte l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Je me mets tout nu dans le film, puis là, tu sais, là, t'es devant une masse d'inconnus qui, tu sais, qui sont entrés dans ton intimité. Donc, il y a comme un rapport extrêmement paradoxal avec ça. Donc, je sais pas, moi, autant que je me projette dans mon travail, quand il est terminé, j'essaie de vraiment de m'en distancier. Il est fait, il est fini, puis j'essaie de passer à d'autres choses. C'est peut-être une façon de me protéger, je pourrais pas te dire, là, il faudrait me psychanalyser pour ça, là. Donc, c'est pas évident de faire des interviews. Au bout d'un moment donné, on se dit le film parle pour lui-même. Je sais que des fois, moi, j'interviewe des gens qui me disent le film parle pour moi, et puis j'ai pas forcément plein de choses à dire dessus. Le film parle pour moi. Ben, si tu me connaissais personnellement, puis si tu savais tout ce qui m'est arrivé dans les 2 dernières années, tu dirais Marie est vraiment dans le film, là. Je la vois vraiment sur l'écran. Puis je pense aussi pendant un bout de temps, peut-être mon coproducteur il était comme pas trop sûr, là. Puis Julie non plus, tu sais, je pense que je m'étais beaucoup trop projetée. Mais finalement, ça fonctionne parce que tu sais, j'avais les éléments pour mettre ça ensemble. Le film parle de lui-même, mais j'espère, parce que de toute façon, une fois qu'il est terminé, le film, il faut qu'il se tienne debout tout seul. Le réalisateur n'est pas là pour le glorifier ou quelque chose comme ça, mais moi, je fais partie inhérente de mes films, là. Le film de Jutras, l'impossibilité de faire des films, la difficulté de faire des films. Quand je faisais le film sur Claude Jutras, je trouvais ça tellement compliqué, le financement, les trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui est ressorti de ce film-là. Ouais, la réflexion sur la création, là Ouais, encore, on l'a ouais, de ouais. nouveau, se poser des questions. Et en fait, finalement, c'est peut-être ce qui est intéressant dans une des dernières questions. Ce qui est peut-être intéressant, c'est ça, c'est de réussir quand même à faire un film comme ça qui est personnel, mais avec plusieurs entrées où, comme tu dis, tu verras bien, il y a des réactions qui vont être complètement différentes finalement et qui peuvent te surprendre. Ça t'arrive déjà des fois d'avoir des gens qui te disent quelque chose sur un de tes films et tu fais, j'y avais pas pensé, mais ok, si vous l'avez vu comme ça, c'est bien. Bon, regarde, tu sais, c'est sûr que c'est un métier qui est très confrontant. Toi, par rapport à ta création, tu dois te confronter quand tu le fais. Puis toi, par rapport au public, c'est certain que tu t'exposes. Je pense que les petites filles, on n'est pas élevées à s'exposer comme ça. Que les, tu sais, je veux dire, j'ai entendu toutes sortes d'affaires, là. J'en ai entendu des vertes et des pommes. Je te dirais pas que j'en ai rien à cirer, que les gens aiment ou pas mon film, mais les pertes, c'est tellement subjectif, là. Tu sais, ça m'appartient pas. Quand le film, au début de ma carrière, là, mon film, c'était comme mon identité. Puis là, je me sens. Maintenant, vraiment, je suis beaucoup détachée de mon travail à cette période-là de ma vie parce que je suis attachée à lui. Quand je le fais, c'est comme un conjoint. Quand il est fini, ben là, c'est comme une. T'sais, mais tout le monde, c'est comme ça. Théo aussi, on en parlait l'autre fois, puis on se disait, t'sais, quand on finit un film, c'est comme. On a tout un postpartum après, parce que c'était une présence quotidienne qui n'est plus là. Donc, C'est important pour la création, dernière question, pour la création, de pas justement d'être que là-dessus, d'avoir ses enfants, d'avoir son travail de maîtrise, enfin de travailler sur d'autres choses. C'est important de s'en libérer pour pouvoir revenir dessus ou. ben moi j'ai toujours besoin d'avoir plusieurs projets en même temps parce que mon intérêt est sporadique dans le sens que je suis incapable d'avoir des bonnes idées à tous les jours, ok? Je peux passer 2, 3 mois à avoir zéro idée. Donc quand tu as plusieurs choses en même temps, c'est moins stressant. Mais quand tu es toujours dans le même projet, en train de faire la même chose, moi, je serais malheureuse là, parce que je tournerais en rond puis je frapperais ma tête dans les murs à un certain point parce que j'aurais plus d'idées puis je trouverais ça triste. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir plusieurs choses en même temps pour être stimulée. Puis, c'est sûr que ma vie personnelle est très importante. Puis, moi, je ne sacrifierais pas ça pour eux. Parce que je veux dire, ma carrière marche bien, mais je suis pas si carriériste que ça, là. T'as déjà d'autres envies de portrait d'artistes ou Mais là, comme je te disais, j'ai de l'argent pour développer un projet sur Jean-Claude Lauzon, qui est un cinéaste québécois. Puis, ben sinon, peut-être faire un projet de film sur une femme ou sur des femmes. Là, je suis rendue peut-être plus là. Mais comme je te dis, le gros problème, c'est que l'histoire est écrite par les gagnants, puis c'est le monopole masculin. Donc, la documentation féminine n'est pas vraiment probante pour faire un. Je sais pas, je dois réfléchir à ça, mais. Sûrement, oui, c'est sûr qu'un jour je dois faire des portraits de femmes, là. Et ton travail écrit sur les femmes là, à l'université, on pourra le lire quand? Il va être fini quand? 2019. Bah bon courage Retenez pas votre souffle. à de lire ça. Ok, ben Merci parfait. beaucoup.